d'amour, elle me congédie. Et s'il me fallait écouter les conseils de ma dignité, j'abandonnerais la partie. Cependant, je n'ai qu'une envie, et cette envie est de rester. Dans ces conjonctures extrêmes, un amant, pensais-je, avec art, s'introduirait dans un placard. Sure.